Merveilleuse, merveilleuse. Cochon vers Sion. Nous là, nous sommes nombreux. Il faut que chacun se convainque de marcher personnellement vers Sion. Ensemble avec les autres rachetés. Dieu est très bon, fidèle à chaque promesse. Dieu est juste en tout. Dieu est puissant. Dieu est merveilleux. Il est écrit de Jésus-Christ qui le fait tout à merveille. Même la réunion de ce soir, c'est une merveille. Même ton moment de prière est une merveille de Dieu. Louange à Jésus-Christ. On est à lui chaque jour et pour les. Bon. La Bible dit que la joie du Seigneur, c'est votre force. Et Frabana m'a dit, c'est quoi la joie du Seigneur? La Bible elle dit la joie du Seigneur c'est votre force. Il répond, c'est l'onction du Seigneur. L'onction de l'Esprit du Seigneur. C'est votre force. Il faut entrer en esprit. Et tant qu'on est dehors là-bas, il y a beaucoup d'influence. Mais quand vous êtes sous l'esprit, il y a la divine influence. Vous voyez les choses autrement. Vous comprenez les choses autrement. Et votre marche devient plus souple. Les merveilles de Dieu, c'est votre héritage. Les grâces de Dieu vous accompagnent. Votre langue témoigne les grandes de Dieu. Les louanges de Jésus-Christ. Combien il est bon. Combien il est bon. Écoute, ô ciel, écoute ce que tu as. Combien Jésus-Christ est riche en bon. Et toi, toi terre des hommes et bétail de champ. Oh, loué les carrés. Oh oui, combien il est bon Jésus. Il est bon, combien il. Même dans ses maladies, il est toujours bon. Dans les dures épreuves, il est toujours bon. Les moments de joie, il est toujours bon. Oh, puis je l'adorerai. Mon Dieu, combien il est bon. Il est bon, combien il est bon. Jésus est bon, combien il est bon. Alléluia, oui je le louerai toujours. Il nous a créés. Il nous a créés pour la vie éternelle. Et c'est la vérité. Le péché nous a éloignés. Mais Dieu qui est amour est venu à notre secours. Oh, il s'est décidé de nous ramener à Dieu. Oh, et combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, tu es bon, tu es bon. Jésus est bon comme il est bon. Alléluia. Oui, je le louerai toujours. Et comme un agneau, il vint ici pas et faire sa chanson pour nous racheter des prix de joie. Alléluia. Je peux me souvenir sur le jour de victoire. Aiguille, oh et combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, tu es bon, tu es bon, oh mon Dieu est bon, combien il est bon, alléluia, oui je le louerai. Il rôde des cernes, il boit nos besoins, ne laisse en danger. Et à chaque effort, il jette ses cris. Ne craignez rien, car je sais où et combien, combien il est bon. Combien il est bon, combien il est bon. Oh mon Dieu est bon, combien il est bon. Alléluia, oui je le louerai. Oh oui, combien, combien il est bon. Jusque dans l'éternité. Et je les louerai toujours. C'est notre vie. Il nous a établi sur terre pour l'adorer. Oh, Dieu est parfait, il est bon. Que son nom soit sanctifié. Que son règne vienne. Que sa gloire se visite. Que sa puissance se remplisse. Et que son amour se délivre. Amen. Pour rien de ceux qui te haïssent. Pour rien de tes ennemis. L'amour de Dieu est rédempteur. Nous prions. Dieu bien-aimé, notre Père Céleste, nous te remercions, nous t'adorons, nous te louons, nous bénissons ton Seigneur, et c'est là pour l'éternité. Sois élevé, sois béni Seigneur, sois sanctifié, que ton règne vienne dans nos cœurs, que ton règne s'impose dans l'église, que ta parole règne dans nos cœurs, que ta parole règne dans nos maisons, que ta parole triomphe partout. Au nom de Jésus-Christ, reçois chaque prière qui vient de faire. D'un cœur sincère, déterminé, persévérant, convaincu de parler à un être réel, plus réel que nous-mêmes, réalité vient de lui. Si lui n'était pas réel, nous ne serions pas réels. Si nous n'existions pas, nous n'existerions pas. Et le monde n'existerait pas. Mais tu es le source de l'existence. La source de vie. La puissance de pouvoir. L'amour de victoire. Bonne gloire à ton nom. Parce qu'il nous prie. Sur ton hôtel. Au nom de Jésus-Christ, combat pour nous l'ennemi redoutable. Triomphe dans la vie de chacun de nous. De ta main puissante, relève les faibles, console les affligés, brise les barrières de l'ennemi, ouvre les portes fermées, ôte les obstacles du chemin, chasse chaque maladie, chasse la douleur, chasse la mort. Esprit de mort. Et la mort prématurée. Et tu souffres et que nous soyons heureux. Nous sommes plus près de toi. Seigneur, tu es notre Dieu. Nous n'avons que toi. Dieu d'Élie. Dieu de Brana. Dieu de Gédéon. Dieu de Samuel. Oh, toi la colonne de feu. Toi le roi parfait. Toi le tessu. Toi le colonne. Lève-toi dans l'église. Que tes ennemis soient dispersés. Que l'homme soit dit, Seigneur, viens. Que la puissance de nous anime. Que la gloire de Dieu se manifeste. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous serons gloire et louange. Nous te bénissons et t'acclamons. Nous te bénissons et t'acclamons. Nous te bénissons et t'acclamons. Nous te bénissons et t'acclamons. Nous te bénissons et t'acclamons. Nous te bénissons et t'acclamons. Le roi parfait. Honneur et louange à toi. Je prie pour les trésors. Au nom de Jésus-Christ. Nous prions et prions. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Elle mérite cela. Amen. Il mérite cela. Amen. Nous lisons une portion de la parole. Amen. Dans les Saintes Écritures. Amen. Jean chapitre 18. Versets 1 à 9. Jean chapitre 18, versets 1 à 9. Lorsqu'il lui dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Judas, qui les livrait, connaissait ce lieu, parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas donc, ayant pris la cohorte et des huissiers qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous ? » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit, c'est moi. Et Judas, qui les livrait, était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit, c'est moi, ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau, qui cherchez-vous? Et ils dirent, Jésus de Nazareth. Jésus répondit, je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite, je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. Le Seigneur Jésus Kolba Makambo Oyo, Akeina, Bayeko Inaye, Elongo, Nangambona, Mokelena, Gedeona, Yesika Ejalaki, Elanga, Yempe, Bayeko Inaye, Bayengeli, Wana. Yuda mokabinaye ayebaki esika yango, Zambi Yesu ayangana kiwana mbala mingi na bayekoli na ye. Yuda akambi poroto na basoda mpe bapolisi longwana banganga minene mpe bafalisai. Ayei mpe wana bamisungi pe, miinda pe bituneli. Yesu ayebaki makambo nyonso majalaki kobimela ye. Abimi mpe alobi na bango ete bazali koluka nani? Bazongiseli ete Yesu na Nazareti. Yesu alobi na bango ete ngai oyo. Yuda mokabi na ye atelemi mpe na bango elongo. Elobi ye na bango ete ngai oyo. Bango na sima mpe bakwei na mabele. Boye atuni bango lisusu ete bazali koluka nani? Bango balobi ete Yesu na Nazareti. Yesu azongisi ete nalobi na bino ete ngai oyo. Soko bozali koluka ngai, tika ete baoyo bakenda na bango ete liloba lilobi ye likokisama ete kati na baoyo osili kopesa ngai nabongisi moko te. Jacques chapitre 5 verset 17 et 18. Yakobo mukato ya mitano mulungu ya 15 libwa. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau. Et le ciel donna de la pluie. Et la terre produisit son fruit. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et veuillez vous asseoir au nom de Jésus-Christ. Nous allons partager cette petite exhortation dans l'amour de Dieu. C'est une soirée de prière et nous avons amené nos requêtes. Nous sommes défoulés, nous avons répandu nos âmes devant le Seigneur. Le bonhomme nous dit que la réunion que nous pouvons tenir devant Dieu ne sera pas complète si nous ne lisons pas la parole. Voyez, dans au cours de cette réunion, il faut que la parole soit abordée à l'occasion. Que cette parole nous fasse du bien. Voulez-vous qu'elle vous fasse du bien? Déjà, quand nous lisons, il y a beaucoup d'inspirations qui viennent. C'est comme si chaque verset s'amplifie là. Il faut s'arrêter et commencer à faire des commentaires. Mais il y avait juste une petite pensée, une petite question que nous nous posons ce soir. Que recherchez-vous? Que recherchez-vous? Que recherchez-vous? Devant Dieu. Dans la Bible. Kati na Biblia. À l'église. L'église. Que recherchez-vous? Vous allez pour le canini. Et exhortons un peu autour de ça. Wana tole ni kama zinga zinga na yango. Que recherchez-vous? Vous allez pour le canini. Bon, on ne dira pas beaucoup trop. Mais juste vous voyez dans la Bible ici, là où nous avons lu dans Jean chapitre 10. Ce n'était pas juste un humain ordinaire qui a posé la question, mais Jésus lui-même. Il a posé une question qui peut être proche de celle que nous nous posons. Qui cherchez-vous? En disant, qui cherchez-vous? Vous voulez connaître de ceux-là qui venaient l'entourer. Ayant des lampes, des lanternes, et des armes, et des flambeaux. Qui cherchez-vous à ce que vous avez amené? Bino, vous allez koluka, nani? Donc, on voit les gens se promener nuitamment, en train d'hésiter dans des sentiers. Ils glissent par moments, ils se ressaisissent, ils veulent atteindre là où ils veulent aller. Ils traversent une zone où il y a des herbes, ils traversent les jardins. Il était comme un lieu secret, mais que Judas, le traître, connaissait. Ils se sont donné la peine de marcher nuitamment. Parce que Judas avait réussi sa coupe, l'argent. Il a reçu l'argent pour aller accomplir une mission de trahir, livrer Jésus aux mains de ses ennemis. Ils ont marché nuitamment. À tous les risques. Avec des lanternes, des flambeaux, et des armes, et des bâtons en main, des armes blanches même. Et quand ils sont arrivés près de Jésus, lui-même s'est étonné. De la manière dont ils sont venus, et avec quel genre d'équipement ils ont. Qui êtes-vous en train de chercher avec ce genre d'armure? Que pensiez-vous des cellules-là que vous venez chercher? Qui est-elle selon vous? Qui cherchez-vous? Bon, Jésus de Nazareth. Nazareth. On n'a pas trouvé tout seul. Lui aussi était entouré. Les gens qui étaient connus comme des frères. N'est-ce pas vrai? C'était tous des frères. Hein? Apparemment d'où? Collaborateur de Jésus. Or parmi eux, quelqu'un qui était aussi un frère, dans une réunion de prière, dans une veillée de prière, il avait une machette de la motina derrière. Il priait. Regardez ce qui s'est passé. Verset 10. Simon Pierre, qui avait une épée, la tira. Nous sommes à l'église, hein? Devant le souverain berger Jésus. Le pasteur parfait. Qui fait tout à merveille. Il y a un frère dans son groupe. Il n'était pas un traître. Il était parmi ses hommes de confiance. Il avait une épée. Il a tiré l'épée du fourreau. Et il frappa les serviteurs du souverain sacrificateur. Bon. Il n'a pas visé Méni Prétain. Il a visé un gros le serviteur du souverain sacrificateur. Et lui coupa l'oreille droite. Et son serviteur s'appelait Malchus. C'était devant Jésus. Le prince de paix. Tout ceci s'est passé devant Jésus. Et le prince de paix. Pierre a tiré l'épée. Il a visé monsieur. L'oreille est tombée là. Avant que frère Jean le plus jeune n'aperçoive les mots. L'oreille était déjà partie. Le temps que Barthélemy pouvait se demander, mais qu'est-ce qui va se passer? L'oreille était déjà partie. C'est-à-dire, si Jésus ne l'avait pas freiné, il pouvait faire pire que ça. Pour discipliner ces gens-là. Êtes-vous là? Et ce genre de frères, on peut encore en avoir dans l'église. Ne vous étonnez pas. Ce genre de frères, il peut des fois y en avoir. Peut-être que vous m'avez dit arrière, vous voyez que tout le monde est à nous. Mais c'est dans les épreuves qu'on découvre les natures cachées. Soyez sur vos cartes. Verset 11. Le prince ne peut pas parler. Jésus dit à Pierre, remets ton épée dans les fourreaux. Mais boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? Si une chose est déjà inscrite dans le programme de Dieu, votre violence ne changera pas le programme. Apprenez à discerner quelle est la volonté de Dieu. Que recherchez-vous, Église? Que recherchez-vous, tes frères? Que recherchez-vous, tes machins? Jésus a dit, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, ne seront pas tous dans le royaume de Dieu. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père est dans les yeux. Je pense que s'il y a une chose que nous devons chercher, c'est la volonté de Dieu. À titre personnel, même dans nos prières, même quand nous demandons des choses, nous ne devons rien imposer. Le Seigneur nous a appris à prier. Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est faite au ciel. Soyez flexible. Soyez souple et soumettez-vous à tout ce que Dieu vous donne. Et quoi qu'il fasse, c'est ce qu'il fera concourir toutes choses à votre bien. Je ne vous sens pas. Quoi qu'il arrive, sachez que Dieu fera concourir toutes choses à votre bien. Jésus leur demande, qui cherchez-vous? Quand il leur dit, c'est moi. Après qu'ils aient dit, ils ont reculé. Sans que personne les ait bousculés. Ils sont tombés par terre. Vous pouvez expliquer ça. Connaissez-vous un autre homme sur cette terre duquel est rapporté ce genre d'événement? Les gens qui sont venus l'approcher en position de force, bien préparé, espérant les surprendre. Ils étaient convaincus de les surprendre. Donc, ils étaient convaincus d'avoir l'avantage sur lui. Mais bien aimé, il est écrit, Jésus qui savait tout ce qui devait lui aller. Pendant qu'eux étaient convaincus de le surprendre à cause de son faiblesse, lui savait déjà, avant qu'il ne vienne, et pendant qu'il venait, avant que le regard ne se croie, lui Jésus savait tout ce qui allait lui arriver. L'homme ne connaît pas plus que Dieu. Tu ne peux pas surprendre Dieu. Voici, il est omniscient. Que ce soit ta prière, ta supplication, ton jeûne, ne le fais jamais dans l'intention d'impressionner Dieu. Il est omniscient. Il connaît les phrases que tu veux dire avant qu'aucune pensée de cela ne vienne dans ta tête. Il sait exactement ce que tu vas dire. Le Seigneur sait toutes choses. Que la louange revienne à son nom. Et que la grâce lui soit due. Mes chers amis, sachez qu'il en est. Vous aimez bien? Oui. Dieu sait tout. Jésus savait tout ce qui allait lui arriver. Jésus tout ce qui va arriver après aujourd'hui. Jésus connaît tout. Alors, quand tu lui as dit tes prières, attends-toi à sa volonté. Sache qu'il t'écoute. Il est fidèle à ses promesses. Il ne fera faillir aucune de ses paroles. Au contraire, il veille sur chacune d'elles. Pour exécuter chacune d'elles. Ta foi soit armée de la bonne manière. Dans tout l'univers, je ne connais qu'un seul homme. de qui sont rapportés ces choses. Jésus, Yesu, approché par des criminels, bandits, venant avec des armes blanches, des lanternes et des flambeaux, et des armes bien préparées. Mais quand il se présente à eux, alors que bon nombre d'entre eux ne les connaissaient pas, Dieu leur fait sentir quelle est sa puissance. La puissance de sa présentation. La puissance de sa révélation. Quand il se révèle à vous. Quand il se présente. Il faut la grâce de Dieu pour résister. N'est-ce pas ce qui s'est passé sur la montagne des Transfigurations? Quand nous avons médité sur la montagne des Transfigurations, la puissance de Dieu a opéré des phénomènes surnaturels. Inédits. Les disciples ont été secoués par ça. Mais regardez encore des non-disciples. Parce que si les disciples tombent, ah, ma fanatique, voilà, glissez-moi, tout ça. Ils font ça sciemment. Mais non, ici les non-croyants. Les non-croyants se lèvent. Viennent pour l'adresser. La même puissance. Produit les mêmes effets sur nous. Tout ceci pour dire Jésus-Christ est le même. Quelles que soient les situations de la vie. Sachez que Jésus-Christ est le même. Il est le même partout. Il est le même face à tout le monde. Que vous soyez pas ou mauvais. Que vous soyez grand ou petit, connu ou inconnu, étranger ou autochtone, Jésus-Christ est le même. Il peut te faire sentir sa puissance. S'il le veut, il peut te faire sentir sa puissance. Ayez confiance. Que Dieu connaît la situation de tous les humains. Et leur point faible. Voyez-vous ça, mes amis? Jésus-Christ est le même. Je voudrais qu'il se révèle à chacun de nous. Qu'est-ce que Jean a dit sur l'île de Palmos? Dans Apocalypse 1, quand je le vis, j'ai tombé à ses pieds comme mort. L'as-tu déjà vu? Que recherchez-vous? L'avez-vous déjà vu? Attendez. Je vais lire quelque chose dans Frère Branham. Ici dans la brochure, tournez les regards vers Jésus. Que Dieu nous aide. Paragraphe 173. Une fois. La femme au puits regarda et que vit-elle? Elle exprima cela dans la ville en disant: venez voir un homme qui m'a dit les choses que j'ai faites. Ne serait-ce pas le Messie même? Lorsqu'elle eut regardé Jésus-Christ pour la première fois, elle vit le Messie. N'a-t-elle pas jeté sa cruche? N'a-t-elle pas rompu son histoire? Sa vie n'a-t-elle pas changé de ce moment-là? Mes chers amis, Jésus-Christ est le même. Il est le même pour tous. Il est le même pour chacun. Il est le même chaque jour. Il est le même partout. Sachez que je vous dis la vérité. Aujourd'hui, les gens peuvent regarder la même chose et appeler cela de la télépathie mentale. Ils appelleront cela du spiritualisme ou de toutes sortes de noms démoniaques. Car ils ne savent pas ce qu'ils recherchent. Amen. Amen. Ils ne comprennent pas. Ils recherchent un credo. Ils recherchent un génie pour mettre l'église en ordre. Ils recherchent davantage de membres et ne voient plus la bénédiction du Seigneur. Dans sa parole identifiée. l'on vient à l'église au lieu de voir la bénédiction de Dieu. On fera selon la parole. Ils veulent voir le nombre des membres. Fermant leurs yeux à la vraie bénédiction de Dieu. Qui apparaît clairement à travers l'identification de la vraie parole. Vous pouvez avoir beaucoup de membres. Mais si la parole du Seigneur ne s'identifie pas parmi vous, parce que le Seigneur n'est pas avec vous. Quel que soit votre nombre, il est dans sa parole. Il est la parole. Car la parole ne s'identifie pas. Quel que soit le nombre des gens rassemblés, le Seigneur n'est pas là. Tu dis amen. Amen. Amen. Et la vraie bénédiction doit être comprise par nous en tant que parole identifié. Quand la parole s'identifie au croyant, comme Jésus s'est identifié, même ce croyant là-bas, il se produit des choses que la main humaine ne maîtrise pas. Ta vie sera accompagnée de choses que peut-être que vous ne pas expliqué. Parce que quand la parole qui est Jésus-Christ s'identifie, il a dit là-bas dans le jardin, c'est moi. Mais regardez l'impact. Regardez l'impact. Vous devez les rencontrer. Il vous faut les voir. Il vous faut les vivre encore. Parce qu'il est un Dieu immuable. Le temps de ce miracle n'est pas terminé. Dieu fait encore des grandes choses. Qui dit amen? La bénédiction pour nous, c'est dans la parole identifiée. Si la parole s'identifie, alors Dieu fera tout ce qu'il peut faire. Et vous serez bénéficiaire de tout ce que vous voulez. De tout ce que vous croirez. Ne fermez pas les yeux à la vraie bénédiction. Vous regardez au nombre des membres. Il y a un vieux adage que Frère Brenham répétait. Dieu regarde à la qualité. Non, Dieu pèse les siens. Satan compte son groupe. Le nombre des membres, c'est pas ça la bénédiction. Mais la qualité des membres, c'est ce qui peut vous dire si la parole est authentifiée, identifiée dans les gens, ou non. Il faut que la parole s'identifie. Disant, c'est moi. Il est la même parole que laissait notre foi avec lui. C'est le même évangile. C'est toujours l'ancien Saint-Esprit. L'ancien évangile. Il doit s'identifier. Quand les disciples sont allés prêcher partout, le Seigneur travaillait avec eux. Marc 16, verset 20. Il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et il confirmait sa parole par les miracles qui l'accompagnaient. Voyez la préoccupation du Seigneur, c'est d'identifier sa parole. Il est préoccupé par sa parole. Les miracles suivent après. Mais parmi les siens, c'est la parole qu'il veut promouvoir. Il veut mettre en exergue. Oh, louange au Seigneur Jésus. Voyez, il recherche davantage des membres. Et ne voyez plus la bénédiction du Seigneur Jésus-Christ par sa parole identifiée. C'est vrai. Cela dépend de ce que vous regardez. Si vous recherchez l'accomplissement de la parole de ces jours, vous la verrez. Dieu vous la fera voir. Que recherchez-vous? Mais si vous recherchez l'accomplissement de la parole prévue pour maintenant, laissez-moi vous dire, vous la verrez. Matthieu 7, verset 7. Même des païens là-bas dehors. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. N'est-ce pas vrai? Si vous recherchez, vous cherchez et vous cherchez encore. Vous cherchez et vous cherchez d'abord. L'accomplissement de la parole de l'heure. De ces jours. Vous la verrez. Et votre bénédiction à vous, c'est dans sa parole identifiée. Vous êtes béni de voir ça. Vous êtes béni de comprendre. Vous êtes béni de saisir cela. Mais si comme ils l'ont tout souffert, vous recherchez quelques intellectuels, quelques grands fondateurs, ou un historien, ou quelques autres personnes, vous ne le verrez pas. Vous allez voir votre historien. Mais Jésus-Christ n'est pas historien. Nous, il y a quelqu'un qui fondait quelque chose. Il est la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole a été faite chair. Et la parole a été faite chair. L'identification de la parole. L'identification, c'est moi. Êtes-vous là? Mais quand vous regardez à lui, au travers de la parole, celle-ci déclare qui est. Il défia les gens de faire ces choses. Il ne pouvait les voir. Il dit, vous êtes des aveugles conduisant les gens. Vous prétendez que Moïse est votre prophète. Mais si vous aviez connu Moïse, vous le connaîtriez. Moïse a écrit à mon sujet. Mais ils étaient trop aveugles pour le voir. Ils regardaient à cela. Mais ils étaient trop aveugles pour le voir. Pendant quelques minutes, j'aimerais faire le lien avec le reflet dont nous avons parlé ce matin. Il regarde et il ne voit pas ce qu'il recherche. Car ils ont une fausse conception. Ce qu'ils essayent de découvrir. Quand les gens sont allés à lui avec des bâtons, et des armes, ils imaginaient que Jésus était un goulouna. Que peut-être qu'il peut mal réagir. Alors nous devons prendre dans notre équipe des enfants, des volontaires, qui vont les maîtriser. Mais quand il a dit que c'est moi, il n'y a eu ni épée ni rien, et chacun d'eux est tombé par terre. Les armes qu'ils avaient amenées n'étaient pas à niveau avec l'arme qu'avait Jésus. L'arme de Jésus était personnifiée, de très haut niveau. Et si on est au Koyi Moutoua Simbiote, au Bambani Ganassé, si vous avez un enfant, vous avez un moment où vous avez un enfant, vous avez un moment où vous avez un enfant, vous avez un moment où tu vas en faire quoi? Que Dieu nous aide. La fausse conception. On a les bandes de ma vous défendre. Cherchez la révélation. Que Dieu vous révèle les choses correctes. Pourquoi il n'y arrive pas? Parce qu'ils ont une fausse conception. On a les bandes de ma vie. Pour ce qu'ils cherchent, essayez de découvrir. Mais comment pouvez-vous trouver quelque chose si vous ne savez même pas ce que vous recherchez? Vous allez trouver ça comment? La question vaut vraiment. Comment pouvez-vous rechercher une citrouille? Une citrouille. Au Kangami. L'obaga citrouille. Hein? Si vous n'en aviez jamais vu ni entendu parler. Comment pouvez-vous trouver une pastèque? Si vous n'aviez su qu'il y avait une telle chose, ni quelle apparence il avait. Vous pourriez trouver un bâti et penser que c'est une pastèque. Vous pourriez trouver quelque chose d'autre. Vous pourriez trouver un bilot et penser que c'est une pastèque. Mais vous devez devez savoir ce que vous recherchez. Écoutez, et la seule manière de savoir ce que vous recherchez est de regarder à Jésus et à la parole. Car il est la parole. Malheureusement, il y a des paroles qui ont échappé. Espace blanc sur la bande. Vous verrez une coupure là. Alors, quand ça reprend, ça dit, vos pères prétendirent que Dieu leur avait envoyé les prophètes. Mais ils échouèrent. Ils échouèrent tout ce qui dit Jésus. Tout ce qui fait. Jésus dit, quel est celui d'entre eux que vos pères ne lapidèrent pas? Et vous voulez faire les mêmes œuvres que vos pères? Amen. Amen. C'était des hommes justes. Saints. Auxquels on ne pouvait pas trouver. Et pourtant, il les appela des hyper et des têtes. Que recherchez-vous? C'est notre question, non? Ce soir, Madame la pose ici au Parlement. Que recherchez-vous? Chacun va se poser une question. Qu'est-ce que je recherche au fait? De les savoir, c'est de regarder à Jésus et à la parole. Car il est la parole. Cette parole doit s'identifier dans l'église. Elle doit s'identifier à l'église. Elle doit s'identifier à chaque croyant. Elle doit s'identifier à chaque croyant. La parole doit s'identifier à chaque famille chrétienne. Quand la parole s'identifie, c'est là votre bénédiction. Vous savez ce que vous pouvez recevoir. Que recherchez-vous? Si vous recherchez quelques personnes pieuses, certains pensent que du moment où le Saint-Esprit œuvre au travers de vous, vous devez être quelqu'un de pieux qui se conduit de telle et de telle manière. Vous voyez la conception des illusions. Certains pensent aussi comme ça. Comme les autres s'étaient imaginé Jésus en Kuluna. Fausse conception. Détrompez-vous. Si lui ne s'était pas offert lui-même, qu'aucun d'eux ne pouvait mettre la main. Mais c'est parce qu'il s'est donné volontairement. Il a dit, si c'est moi que vous cherchez, vous allez aller ceci. Alors je parle avec vous. Qui l'a brutalisé? Non, ça c'est ma compagnie. Qui peut le mettre même chez nous au bout? Il a osé. Il s'est donné lui-même. Volontairement. Donc il n'est pas de ce bas niveau-là. Il ne s'est pas cessé de caniveau-là. Il est très haut. Comprenez qu'il est différent de ce que les gens pensent. Et beaucoup d'églises jusqu'à présent, j'ai une fausse conception de ça. Imaginez que c'est la deuxième personne d'une trinité. Imaginez. Il est un petit jeune homme-là. Blanche, avec sur la tête. Vous imaginez que des histoires fausses. Ceci n'est pas ce que vous pensez. Lorsqu'il se révèle à vous, vous verrez combien vous serez confus. Il est autre chose que ce que vous imaginez. Si vous pouvez le connaître, la puissance de sa révélation, alors vous connaîtrez de nouveau. Vous recevrez le Saint-Esprit. Alors vous sentirez dans le royaume de Dieu. C'est différent. Certains parlent que du moment où le Saint-Esprit œuvre au travers de vous, donc vous devez être quelqu'un de pieux, vous de et de mais ce n'est pas cela le Saint-Esprit. Dieu n'a pas affaire à des anges tels que cela. Zamba zalitena likamuna banje na lenge wana. Ni supposé tel. To moni sami na kola lenge wana. Supposé tu imaginer. Wana libanzo kuvili ya batu. Ni kusema kama niko sala. Sala kuye. Kuna ta formité, c'est que la mon ensemble. Faut devenir très doux. Marcher surveiller chaque mouvement. Le moustique comme ka bomaté. Hein, ce ko bomi moustique au silgi zambe. Des imaginations. Wana kuvili mabanzo. Ngongazo ko songa na bomayete. Ya profiter nanga. Betaye. Du frère. Arrêtez avec vos imaginations là. Oh, vous allez commencer à vous comporter comme ceci. C'est faux. Bon, ok. C'est pas cela le Saint-Esprit. Voilà, c'est mon nom, Santo. Moi, je veux le rayer le Saint-Esprit. Là, il quand il est venu à la Pentecôte, quand les hommes qui sont sortis de la salle par les fenêtres. Bah, si à ta porte, c'était que nous l'aurons comme il est dans la porte. Bah, d'où Solima, ma fenêtre. Ria, Pierre Abimi. À la Pentecôte. Et ils ont commencé à parler sans que personne ne soit capable de les maîtriser. Je veux que tu reçoives la même chose. Amen. Alors, on va se débrouiller. Amen. Dieu n'a pas affaire à des anges tels quels ni supposés. Dieu traite avec l'homme. C'est un humain. C'est un être humain, frère. C'est le Saint-Esprit l'utilise. Un frère avec lui. Le frère. Il peut vous paraître que bizarre. Mais Dieu lui a choisi d'agir là-bas. Inclinez-vous devant la volonté de Dieu. La Bible dit, Élie était un homme qui avait aux mêmes passions que nous. C'est ce qu'on a lu là. Élie était un homme de la même nature. Que nous. Dans Jacques 5, verset 17, on a lu. Mais il a dû prier. Et Dieu a exaucé sa prière. Mais c'était un homme sujet aux mêmes passions. C'est un humain. Je me dis là, il tient le bon ciel. Oui. Un humain. De la même nature que vous et moi. Pas de sainteté fabriquée. Il était tel que Dieu l'a fait. Il était tel que Dieu vous a fait. N'enviez rien d'artificiel. N'enviez rien de satanique et de démoniaque. Voyez ce que Dieu a fait de vous. Laissez le Saint-Esprit venir vous utiliser. Voyez? Mais tant que vous n'avez pas vu Jésus, vous ne pouvez pas être avec lui. Vous devez le voir. Et même les autres, les compagnons des traîtres de Judas. Vous voyez que c'est ce que dit d'une certaine manière charnelle. Ils l'ont vu pour qu'ils soient finalement avec eux. Alors qu'auparavant, ils ne se connaissaient pas. Dieu ne le connaissait pas. Et c'est Jésus là. Il est le même pour tous. Il est le même partout. Il est le même dans l'église. Il est toujours la parole. Laisse ici d'identifier à vous. Et Dieu bénisse. Demandez-vous pour la prière. La prédication tournait les regards vers Jésus était prêché le 29 décembre 1963. Ok. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier maintenant. J'ai trouvé en Jésus l'ami qui est trop chaud pour moi. C'est le plus beau d'entrée d'aimer pour moi. Non. Oh oui, il est le lit, c'est la valise. Tapons les mains. Ma purification est manquée. Mon réconfort dans le sein. A pris dans le tourment, il m'invite à lui confier chaque fin. Alléluia, la brillante étoile de ma terre, et là où c'est le plus beau d'entre nous. Mon réconfort, mon réconfort, les peines a pris dans le tourment, il m'invite à lui confier chaque côté. Alléluia, chacun. Ta dernière prière pour la séance de prière de ce soir. Par la Saint-Jésus. Qu'il s'identifie à toi. En tant que parole vivante. Parole qui se manifeste. Parole qui se réalise. Parole qui produit des prodiges. Parole qui produit des miracles. prophète encore. Il fait des choses phénoménales. Il fait des grandes choses phénoménales. La même parole. Jésus est à la même partout. Il est le même partout. Il est le même chaque jour. À chaque âge. À chaque génération. Parlons-lui maintenant. Parlons-lui. Ouvrons notre cœur. Brisons la froideur. Ouvrons notre cœur. Parle à Jésus. Il est dans sa parole. Il est dans cette prédication. Il est présent dans sa parole. Il est présent près de toi. Il n'est pas loin de chacun de nous. Adieu. Seigneur. Adieu. Adieu. Adieu. Adieu. Soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire se lève le jour. Jésus, à ma place, mourra sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, Père, écoutez sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Et les opères, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante son nom d'or. De Jésus la joie remplit nos cœurs, qu'importe qu'on voie ton autre bonheur. Promesse, Jésus changera, deuil en allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, c'est le côté sa voix. Gloire à Dieu, mon réjouis-toi. Au béni son Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante sa gloire. Oui, gloire à Dieu. Car écoute sa voix, gloire à Dieu. Je demande que je veux toi. Au Père, les opères, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante son nom. Il y a une requête de prière que nous introduisons concernant deux enfants. Notre deux enfants de notre défunt frère Edouard Ferouzi Mkoulumani. Sa fille aînée et son fils cadet. Ont de problèmes sanitaires. Alors, c'est par des angoisses. La douleur d'avoir perdu un père commence à impacter négativement sur la santé de ces deux enfants. Leur mère a cheminé la requête car la situation nécessite les prières des saints. Donc, que Dieu, qui est le Père des orphelins, et qui connaît la cause de chaque chose, connaît les profondeurs de corps, et lui-même a crié, touche là où il y a des partout où l'ennemi est venu mettre les désordres, pour rétablir une parfaite santé. Quand le peuple simili, invoque le nom de l'Éternel. Il a promis la guérison. Il a promis la réponse aux prières. Sa fille aînée, c'est notre sœur Gracia. Elle a connu une marche trouble à un moment. Elle a déjà retrouvé le chemin de l'Assemblée. Son fils cadet, c'est Samuel. Alors, dans les épreuves qu'ils doivent traverser de temps à autre. Mais quand vous voyez la réalité sans papa, nous pensons que Dieu contrôle tout. Il peut rétablir la santé. Nous allons prier ici, en guise d'introduction, nous allons en maison, nous continuerons face à eux, je crois que Dieu nous mettra à cœur de nous bénir les enfants, que Dieu les guérisse. Amen. Ils sont à Glasgow là-bas, au Royaume-Uni, très loin d'ici, mais ils ont espérance dans les pays de l'Église. Dieu fera quelque chose. Prions pour chacun d'eux. Prions. Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, nous t'adorons de tout cœur. Nous élevons ton nom. Nous reconnaissons ta vérité. Tu es la parole vivante qui vit éternellement. Dieu immuable. Dieu de gloire. Qui enlève notre honte. Qui résout nos problèmes. Qui nous délivre dans les épreuves. Qui nous donne des victoires sûres. Qui passe à toutes les batailles. Qui donne la guerre. La vraie guérison divine, c'est en ton nom Jésus-Christ qu'il y a cela au Père avec abondance. Donne gloire à ton nom. Chassons les maladies, chassons les troubles qu'il y a dans le corps de nos frères, le corps de nos enfants, le corps de nos soeurs, au nom de Jésus-Christ. Nous avons pensé à Gracia, nous avons pensé à Samuel, nous pensons à ceux qui n'ont pas pu le dire ici. Chaque enfant de Dieu, il y a un besoin quelconque, un besoin urgent, un besoin préoccupant, le meilleur interdit en faveur. Résous le problème, manifeste ta main, la puissance de ton bras droit, contre l'ennemi, que chaque adversaire soit chassé, que l'ennemi soit confondu. Fais les taire, Seigneur, fais les taire tous les signes mauvais, tous les désordres dans le corps, tous les accorde-les à chacun, car chaque sacrifice que nous consentons pour ton service nous fera mériter des bénédictions. Et le message que tu nous as enseigné, augmente la foi de chacun, affermis la foi de chacun, qu'il soit inébranlable, ferme devant l'opposition, au nom de Jésus-Christ, plus que vainqueur. Exauce-nous Seigneur, aie pitié de nous, pardonne nos péchés, dans le sang, nous blanc plus blanc que la neige, chaque jour, à tout égard, jusqu'au jour de ta venue, au nom de Jésus-Christ, et par son sang rédempteur, nous prions ici. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Coucou Vanda. Que Dieu vous bénisse.